acteurs politiques. Afin de garantir un bon déroulement du processus électoral, le respect de la diversité de nos opinions politiques est primordial. Ceci est un message du Centre d'alerte et de prévention des conflits CENAP dans son programme Tuganire Tukubake. Vous écoutez la radio Isanganiro émettant depuis Bujumbura. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition de la mi-journée de ce samedi 16 mai 2020, dont voici le sommaire. 5 militants, dont 4 du CNL et 1 du CNDD-FDD, ont été gravement blessés suite à une bagarre qui s'est produite sur la colline Neruira de la commune Manda. Nous sommes dans la province de Bubanza. C'est un reportage à suivre tout au début de ce journal. Et le candidat indépendant aux prochaines législatives, David Nyonchungu, estime que la CENI devrait mettre le fichier électoral sur son site internet pour faciliter son accès. Et certains membres de la coopérative Zindukadukore de la province Kayanza se lamentent. À l'origine, ils accusent la représentation de cette coopérative une mauvaise gestion. Et à la fin de ce journal, comme vous en avez l'habitude, je vais céder le micro à Francine Diokoubgaï et Jean-Bosco Ndouimana pour vous présenter la revue de la presse. Bienvenue pour les détails. Et maintenant, Semi Tebouti est à la manette du son. Moïse Misago est à la présentation. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Certains habitants de la zone Rukaram en commune Mutimbuze de la province Bujumbura se lamentent suite aux rondes nocturnes faites par ce qu'ils qualifient jeunes affiliés au parti au pouvoir CNDD-FDD. Ces habitants disent qu'ils ne dorment plus dans leur maison. Ils demandent que leur sécurité soit assurée. Le chef de zone Rukaram indique que ceux qui font des patrouilles sont des membres des comités mixtes de sécurité. Le point avec Yvette Nijimbere. Ces habitants de cette localité s'indignent des rondes nocturnes organisées par les jeunes qu'ils disent être affiliés au parti CNDD-FDD. Des fois, ils obligent aux militants du CNL de leur ouvrir la porte. Cela provoque la peur chez ces habitants, indique-t-il. Dans notre localité de Rukaramu, chaque soir, un groupe de jeunes ici du parti au pouvoir fait des rondes nocturnes en veillant aux militants du parti CNL. Mon fils a été même obligé de fuir. Même chez lui, ce groupe est allé effrayer sa famille. Pour le moment, ils disent que certains ne dorment plus chez eux de peur d'être attrapés. Des jeunes affiliés au parti au pouvoir nous obligent de leur ouvrir la porte. Même pour le moment, nous ne dormons plus dans nos maisons. Nous ne sommes pas tranquilles. Les enfants sont traumatisés quand il fait la nuit. On ne sait pas à quel saint se vouer. Nous demandons que notre sécurité soit assurée. Le chef des jeunes Rukaramu rejette les propos de ses habitants. Toutefois, Leonidas Nibigira indique que des bagarres se sont produites vers la fin du mois d'avril entre les membres du CNDD et du CNL, causant des blessés du côté du CNDD-FDD. Des auteurs sont recherchés par la justice, poursuit-il. Leonidas Nibigira tranquillise ses administrés. Le comité de sécurité avec les agents de l'ordre collaborent étroitement pour maintenir la paix et la sécurité de la population. Donc, nous tranquillisons la population, nous tranquillisons ceux qui se lamentent en disant que les jeunes issus du parti. Non, c'est pas vrai. Je dément cette situation. Le comité mixte de sécurité a ses attributions et le comité mixte de sécurité est contrôlé par les administratifs, dont moi, dans la zone. Des jeunes issus du parti au pouvoir ont été blessés par les jeunes issus du parti CNR. Ils ont été grièvement blessés, dont un membre du parti au pouvoir. Comme on était en place, on a calmé la situation concomitamment avec le commissaire communal de la police. Il était sur place et en a fait le constat. Et ceux qui ont commis cet acte ignoble seront poursuivis. Sinon, la paix règne dans la zone Rukaramu. L'administration de la zone Rukaramu ajoute que toutes les formations politiques et front dans cette zone mènent leur campagne dans la quiétude. Deux personnes parmi les accusés sont sous les verrous. Merci Yvette Nijimbere. Et 5 personnes ont été gravement blessées ce vendredi soir sur la colline Rubira de la commune Manda de la province Bubanza lors d'une bagarre qui a éclaté entre les membres du CNR et les Imbonerakure du CNDD-FDD. Le chef de colline Rubira, lui aussi blessé, précise que cela est arrivé lorsque les membres du CNL qui avaient organisé la campagne sur cette colline est rentré. L'administrateur de cette commune explique qu'il y a envoyé une délégation pour apaiser les tensions. Space Cartas Kabanyana, correspondance. C'est dans l'après-midi de ce vendredi, vers 16h passées, qu'une bagarre a éclaté entre les membres du parti CNL et les Imbonerakure du CNDD-FDD sur la colline Rubira de la commune Manda, selon les témoins sur place. Le chef de colline Rubira indique que les membres du CNL venaient de terminer leur campagne électorale sur cette colline et ils y rentraient au moment où ils se sont bagarrés avec les Imbonerakure. Ils se sont bagarrés alors et 5 personnes parmi les deux partis ont été grièvement blessés selon les témoins sur place. La même source indique que les militaires basés dans la localité sont vite intervenus et ont pu limiter les dégâts. C'est par après que 4 membres du CNL ont été arrêtés par la police pour enquête selon le chef de colline Rubira. Le représentant communal du parti CNL déplore le fait que les Imbonerakure se sont attaqués aux CNL qui rentraient, ce que rejettent catégoriquement certains des Imbonerakure contactés qui indiquent plutôt qu'ils ont été attaqués par les membres du CNL. Samson Dikoumana, représentant le parti au pouvoir dans la commune Manda, nous a expliqué qu'il n'a pas encore été au courant de la situation. L'administrateur de la commune Manda, Chongera Frédéric, nous a expliqué qu'il a envoyé à Rubira une délégation pour s'enquérir de la situation et qu'il prévoit une réunion de pacification au début de la semaine prochaine. Space Caritas Kabanyana, Wanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 13h03 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. La Commission électorale nationale indépendante CENI devrait afficher les listes des électeurs dans chaque bureau de vote. C'est du moins le point de vue de David Nyonchungu, candidat indépendant aux prochaines législatives, qui trouve que cela permettrait de limiter la méfiance des résultats des urnes. Il indique que même si le temps file, rien n'empêcherait cette commission d'afficher ses listes sur son site internet. Suivez David Nyonchungu, il est candidat indépendant aux législatives. Nous avons entendu que la CENI a proclamé avant-hier que c'est impossible d'afficher les inscrits dans ces élections de 2020. Nous avons accueilli défavorablement ce que la CENI a déclaré. Nous disons, comme partie prenante dans ces élections, il faut que la CENI puisse montrer les inscrits dans tous les bureaux de vote, ce qu'on a les listes désagrégées dans tous les bureaux de vote. Dans ce cas, ça sera vraiment très facile de connaître celui ou celle qui s'est déjà inscrit dans ce bureau de vote. Deuxièmement, nous demandons la CENI. Aujourd'hui, c'est vraiment facile. La CENI peut décentraliser ce fichier électoral par site web pour que nous puissions avoir ces listes à travers le site web. Trois, je pense que la CENI aujourd'hui a le livre de tous les inscrits dans tout le pays. Nous demandons à la CENI de nous montrer ou bien de nous donner ce livre pour que tous les acteurs politiques dans ces élections puissent connaître les inscrits dans tout le pays. Parce qu'aujourd'hui, on est de constater que les uns commencent à dire non, c'est le faux départ de la CENI. Pour que les élections puissent se dérouler dans des moments très apaisés, il faut que la CENI montre le livre pour que nous puissions avoir un éclaircissement de son fichier électoral. C'était David Nyonchungu, candidat indépendant aux prochaines législatives. Grogne chez les usagers des taxis motos de la ville de Kayanza regroupés au sein de la coopérative Zinduka Dukore. Ils accusent la représentation de malversation des fonds de la dite coopérative. Ils demandent à l'administration et au bureau provincial du mouvement coopératif et associatif d'intervenir à temps afin de mettre en place de nouveaux organes et dirigeants. Au niveau du bureau provincial du mouvement coopératif et associatif, l'on indique être au courant de la situation. Patrick Nsengeyumva, correspondance. Comme l'indiquent les membres, la coopérative Zinduka Dukore a démarré les activités il y a 5 mois et compte environ 300 membres. Ils disent qu'au début, chaque membre versait au compte de la coopérative une somme de 30 000 considérée comme capital. D'autres activités génératrices de revenus au sein de la coopérative sont principalement une station de lavage automatique des motos et la location des latrines situées au marché de Kayanza indique toujours les motards membres de la coopérative. Les mêmes membres de la coopérative Zinduka Dukore précisent que les revenus issus de toutes ces activités entrer dans la caisse de l'association. Interrogé Fulgence Nahayo, président de la coopérative sur la gestion du patrimoine de la coopérative, celui-ci nous a fait savoir que l'on a pu se procurer des motocyclettes qui sont en circulation afin d'améliorer la situation financière de la coopérative. Toutefois, les membres de la coopérative Zinduka Dukore accusent la représentation de malversation et la gestion obscure des fonds. À cet effet, ils demandent à l'administration et au bureau provincial du mouvement coopératif et associatif d'intercéder afin de mettre en place de nouveaux organes dirigeants. Fulgence Nahayo dément les accusations. Il indique que ceux qui les accusent pourraient être membres d'autres associations et ne cherchent que saboter les activités de la coopérative. Au niveau de l'administration, on demande à ces usagers de taxi moto membres de la coopérative Zinduka Dukole de présenter leur doléance sous une forme écrite afin de trouver solution à ce problème. Et quant au niveau du bureau provincial du mouvement coopératif et associatif à Kayanza, Diana Sengiyumva, la représentante promet que, en collaboration avec l'administration, une commission chargée de statuer sur ce cas sera mise en place pour voir que la coopérative fonctionne selon la nouvelle loi régissant le fonctionnement des coopératives. Elle ajoute en effet que, dans le cas contraire, des mesures qui s'imposent seront prises. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumva pour toutes ces précisions. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Emmetou Semite aussi pour sa parfaite collaboration technique. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse avec Francine Ndokoub Gaye et Jean Bosco Nduimana. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Kazi Hissé, un homme face à l'histoire, l'opposition demande à la CENI d'être neutre. Ainsi titre le journal Iwachu en une de sa parution de cette semaine, avec un portrait du président de la Commission électorale nationale indépendante, entouré par ceux des candidats à la prochaine présidentielle du 20 mai. Dans son éditorial, ce journal fait remarquer qu'à quelques jours du triple scrutin du 20 mai, incertitude, inquiétude, suspicion, méfiance gagne du terrain. L'heure est donc à la vigilance et à la sagesse des principaux acteurs dans ce processus électoral, conseille cet hebdomadaire, qui estime qu'au premier chef se trouve l'organe de gestion électorale qui doit être réellement indépendant, impartial, compétent et crédible en appliquant et en faisant respecter la loi électorale. L'administration, les forces de l'ordre et de sécurité doivent tourner le dos aux sollicitations politiciennes. Les confessions religieuses sont invitées à user de leur pouvoir moral en appelant au calme, poursuit notre confrère. Enet Presse de reprendre justement cette interpellation des évêques catholiques qui, dans un communiqué, demandent aux leaders politiques et à leurs supporters de respecter le droit à la vie, à la dignité, de renoncer à la banalisation des assassinats et de respecter la loi électorale. Selon toujours le journal Iwachu, le Burundi ne peut pas se permettre une crise de plus. Tout le monde doit comprendre que l'issue d'un scrutin, c'est soit la victoire, soit la défaite. La vie doit continuer, conclut notre confrère dans son éditorial. L'agence burundaise de presse rapporte le point de presse animé mercredi par le président de la CENI pour donner la situation du déroulement de la campagne électorale qui, selon lui, est allé s'améliorant. L'occasion aussi pour Pierre Claver Kazihissé, écrit toujours la BP, de rappeler que les membres des bureaux de vote ne représentent pas les partis politiques, mais plutôt la CENI, et qu'ils doivent se conformer aux règles de cette dernière et s'attendre à une sanction en cas de violation de ces règles. Il précise dans les colonnes de ce quotidien gouvernemental que pour un membre d'un bureau de vote, la sanction est double par rapport à celle infligée à quelqu'un d'autre qui commettrait la même faute. Enfin, poursuit la BP, parlant des observateurs, le président de la CENI a souligné que certains étrangers vivant sur le sol burundais qui l'ont demandé ont déjà eu des accréditations pour suivre cet événement. Revue de la presse. la transparence et l'égalité des chances pour promouvoir le mérite professionnel, écrit Burundi Echo, qui rapporte que comme la dernière séance de concours pour le recrutement dans l'enseignement secondaire au ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et professionnelle, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a emboîté le pas à ce processus de recrutement. Au-delà d'un simple concours, la transparence est de mise, constate ce journal qui précise que plus de 200 postulants se sont présentés à ce concours. Pour cet hebdomadaire socio-économique, le service médical étant le plus prisé et surtout le plus strict qui soit, il faut mettre avant tout la méritocratie et non le favoritisme, car la vie humaine est en jeu. Même si les résultats ne sont pas encore connus, la passation du concours est jusqu'ici appréciée, souligne Burundi Echo. Concours, il en est également question dans la voie de l'enseignant. En effet, en moins d'un mois, même si la date n'est pas encore officielle, les élèves de la classe de 9e fondamentale passent leur concours national, fait remarquer cette hebdomadaire, un examen qui leur permet de tamiser pour connaître ceux qui continuent avec le fondamental et ceux qui bifurquent dans l'enseignement des métiers. Le journal La Voix de l'enseignant constate que le programme du domaine des sciences et technologies est vaste et ne se termine jamais. Les experts en pédagogie proposent de scinder le domaine des sciences et technologies en deux options, à savoir la biologie-chimie et la physique-technologie. Ainsi, estime cet hebdomadaire de l'éducation, les enseignants formés en binôme à l'IPA et à l'ENS feront leurs tâches sans difficulté. Ils demandent également que les cours soient titularisés comme dans certaines écoles sous convention, afin que chaque enseignant dispense une partie de sa spécialité. La voix de l'enseignant écrit justement sur les écoles sous convention catholique qui font tout pour améliorer les résultats scolaires aux examens nationaux, notamment en organisant des tests d'entraînement pour la classe de 9e et pour les classes terminales des humanités générales et techniques. Les résultats obtenus permettront aux enseignants de s'auto-évaluer et aux élèves de se mesurer et de s'entraîner afin de mieux se classer au concours national et à l'examen d'État. Les concernés apprécient ce genre de travaux, écrit la voix de l'enseignant. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Francine Ndiokoubgayo et Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.